fais-toi rare et l'on t'aimera, les visites du comte de Lerne étaient en général considérées par les dames comme de petites fêtes très flatteuses pour celles qui en étaient favorisées. Sa grâce personnelle, son esprit, ses talents, et même la nuance un peu vive de ses mœurs en faisaient un personnage particulièrement intéressant. Ce fut donc pour madame de Morescan une contrariété véritable de penser qu'à sa première visite, il eût trouvé chez elle si peu d'agrément, et surtout qu'il y eût trouvé monsieur de Montélin installé sur le pied d'une intimité presque compromettante. Sans prévoir comment il lui serait possible de s'expliquer avec monsieur de Lerne sur un sujet si délicat, elle attendit cependant avec impatience le mercredi suivant où elle comptait le rencontrer à la réception de sa mère. Mais en arrivant chez la comtesse, elle eut l'ennui d'apprendre que Jacques avait une forte migraine et qu'il s'était couché. À tort ou à raison, elle vit dans cette circonstance un trait de dédain ou du moins de mauvaise humeur à son adresse. L'estime de ce jeune homme, d'une vie si peu exemplaire, lui était devenue tout à coup si essentielle que l'idée de le laisser pendant un temps indéterminé sous une impression fâcheuse à son égard lui parut insupportable. Elle était au besoin femme de résolution. Elle rassembla son courage et prenant la vieille comtesse à part. « Eh bien, chère madame, lui dit-elle, je commence vraiment à croire que j'ai désespéré trop vite de la conversion de votre fils. Il est venu avant-hier chez moi, et comme il n'est pas grand visiteur, j'ai pensé qu'il avait à me dire quelque chose de sérieux, qu'il voulait me parler de la grande affaire de son mariage. Malheureusement, je n'étais pas seule. Je le regrette beaucoup, surtout si c'était un bon mouvement qui la menait. Rien de plus probable, ma chère enfant. Mais Dieu merci, cela n'est pas irréparable si vous le voulez. Quand pourrait-il avoir le plaisir de vous trouver si le cœur lui en dit ? Si le cœur lui en dit, reprit madame de Morescan en plissant le front d'un air de réflexion, eh bien voyons, demain soir, après le dîner ? Je me repose justement demain soir. Il en sera informé, ma belle, et soyez sûre que je vous adore. Madame de Morescan passa la journée du lendemain à se repentir amèrement, en son âme délicate et solitaire, d'avoir fait à monsieur de Lerne une avance si marquée. S'il ne venait pas, quelle mortification! Et s'il venait, ne croirait-il pas venir à un rendez-vous? N'irait-il pas se figurer peut-être que cette question de mariage n'était qu'un prétexte servant à couvrir une sorte de provocation effrontée? Le soir arriva. Après le dîner, monsieur de Morescan joua un instant avec son fils Robert dans le petit salon bouton d'or de sa femme. Il alla ensuite, comme c'était sa coutume, fumer un cigare sur le boulevard. Jeanne continua d'exécuter fiévreusement sur le piano une série de valses et de mazourques, pendant que son fils, en robe blanche et en ceinture bleue, dansait des gigues avec sa bonne anglaise et Toby. Elle s'interrompit brusquement en voyant la porte s'ouvrir. C'était un domestique. « Madame la comtesse reçoit ?»« Oui, qui est là ?»« Monsieur le comte de Lerne, madame. »« Faites entrer. » Elle enleva son fils de ses deux mains et l'embrassa. Puis elle s'assit gravement dans un fauteuil, en le tenant sur son bras comme les madones tiennent leur bambino. Jacques de Lerne, en entrant, eut sous les yeux ce tableau de sainteté qui dut lui prouver, du moins Jeanne l'espérait, que les circonstances étaient plus sérieuses et plus respectables qu'il n'avait peut-être été tenté de le supposer. Il parut cependant n'éprouver ni surprise ni désappointement et se mit à caresser le jeune Robert comme s'il fût venu uniquement pour cela. Après quelques minutes, madame de Morescan prit le parti d'envoyer coucher Robert puisqu'il ne servait à rien. Comme l'enfant venait de sortir, une violente rafale de vent ébranla les persiennes du salon. « Oh mon Dieu !» s'écria Jeanne, « entendez-vous ? C'est une vraie tempête ! Et il neige avec cela, je crois. »« Il neige très fort, » dit monsieur de Lerne. « On est joliment bien au coin de votre feu par un temps pareil. »« Quand je vous dis, » reprit Jeanne en riant, « que vous êtes un homme d'intérieur. »« Ah, nous y revoilà !»« Mais enfin, madame, dites-moi donc pourquoi vous tenez tant à me marier ? une si bizarre pensée n'est pas venue de votre initiative. Si j'ai bien compris l'autre soir, c'est ma mère qui vous l'a suggéré. Oui, certainement. Ah, dit-il, c'est ma mère. Il devint pensif, puis après une pause. Je regrette, reprit-il, de ne pouvoir faire ce plaisir à ma mère et à vous. Mais je vous l'ai dit, je ne veux pas me marier. Parce qu'il n'y a pas au monde une seule femme digne de vous, c'est convenu. Mon Dieu, écoutez, madame, permettez-moi de m'expliquer. Vous savez qu'en matière de religion, les gens qui ne pratiquent pas sont ceux qui se montrent le plus exigeants et le plus austères. On n'en fait jamais assez à leur gré. Mais, vous disent-ils, si je croyais, vous en verriez bien d'autres. Je ferais ceci, je ferais cela, enfin, la perfection, quoi. Eh bien, je suis de même en matière de mariage. Je le comprends d'une façon telle que personne ne me paraît capable de le comprendre comme moi. Et voilà pourquoi j'y renonce. Et comment le comprenez-vous, voyons ? Dit la jeune femme d'un ton de légère ironie. Vous ririez de moi si je vous le disais. Je ne crois pas. Essayez. Eh bien, madame, le mariage, pour moi, c'est l'amour par excellence. Il est possible que l'amour dans le mariage soit un rêve. Mais c'est le plus beau des rêves, et s'il se réalise quelquefois, même à demi, il ne doit y avoir rien de plus doux ni de plus élevé au monde. Il est le seul qui mérite véritablement le nom d'amour, parce qu'il est le seul auquel l'idée religieuse mêle quelque chose d'éternel. Le divorce, dont on parle beaucoup cette année, me déplaît à cause de cela. Il enlève au mariage le sentiment de l'infini. Ce sentiment peut être une gêne pour des âmes vulgaires ou mésalliées. Mais supposez deux êtres qui se sont choisis avant de s'unir, qui se connaissent bien, qui se plaisent, qui s'estiment, enfin, qui s'aiment enfin, et concevez tout ce que doit appeler au bonheur de leur parfaite union la certitude de son étendue sans fin. C'est une route charmante que suivent les deux chers camarades, et qu'ils voient avec ravissement se perdre dans des horizons sans limite, où le ciel finit par se confondre avec la terre. Je vous ennuie, madame ? Elle fit signe que non. Eh bien, poursuivit monsieur de Lerne, je ne me figure réellement pas une existence plus riche et plus pleine que celle de ces deux voyageurs-là, de ces deux amants qui sont en même temps deux amis. Leur être est absolument doublé. Tous leurs sentiments sont plus vifs, toutes leurs joies agrandies. Leur chagrin seul diminue. S'ils sont intelligents, comme je le suppose, ils le deviennent encore davantage. S'ils sont honnêtes, ils deviennent meilleurs. Par l'étroit rapprochement, par l'échange continuel, par l'émulation tendre, par le désir de ne pas déchoir dans l'estime mutuelle. Dans les temps troublés où nous vivons, j'aurais rêvé avec plus de charme encore cette union d'une intimité sans égale entre deux êtres généreux et délicats, s'appuyant et se fortifiant l'un l'autre pour se maintenir à la fois le cœur haut et le goût pur, pour rester fidèle aux vieux ancêtres, en fait d'honneur et aux vieux maîtres, en fait d'art et de poésie, pour admirer ensemble ce qui est éternellement beau et mépriser le reste, pour se réfugier sur les hauteurs comme dans une arche, pour y parler de tout ce qui agite le cœur ou la pensée à cette heure du siècle, que vous dirais-je, pour mettre en commun leurs croyances ou leurs doutes, pour penser quelquefois ensemble à Dieu même, pour y croire, le chercher ou le pleurer. Enfin, vous voyez, madame, que c'est une pure folie. L'attitude de Jeanne, pendant qu'elle écoutait monsieur de Lerne, était charmante. Penchée un peu en avant, elle le regardait de ses grands yeux étonnés, comme s'il eût fait jaillir devant elle une source de délices, et ses lèvres s'entr'ouvraient comme pour y boire. Quand il cessa de parler, il vit la jeune femme essuyer furtivement du doigt une larme qui glissait sur la joue. Troublé lui-même, il eut un mouvement irréfléchi de sympathique attrait et lui tendit la main. Jeanne retira doucement la sienne et prit un air grave. « Oh, pardon, dit-il, je croyais que nous étions amis. »« Oh, pas encore, murmura-t-elle. Ah, vous n'avez pas confiance ? Ai-je donc l'air d'un homme qui vous fait la cour ?»« Chacun a sa manière, dit-elle en souriant faiblement. Avouez que la mienne serait singulière. » Il se mit à jouer d'une main fiévreuse avec les bibelots qui garnissaient la table. Ses yeux s'arrêtèrent sur une photographie du petit Robert. Il la saisit et la regarda attentivement. « Il est joli, n'est-ce pas, mon fils ?» dit la jeune femme. « Oh, charmant !» « Pourquoi l'avez-vous pris sur votre bras tout à l'heure pour me recevoir ?»« Je ne sais, le hasard. » »« Non, ce n'était pas le hasard. Vous vouliez me dire, si vous venez ici en ami, à la bonne heure. Si vous venez en amoureux, voilà ma réponse. » »« C'est vrai. N'était-ce pas bonne ?»« Il n'y en a pas de meilleure, » reprit Jacques, dont la voix trembla légèrement. « Et si je m'étonne d'une chose, » poursuivit-il avec une étrange animation, « c'est que les femmes qui sont tentées de faillir ne soient pas plus souvent retenues par la pensée de leur fils. Croient-elles donc que leur fils ne sera pas instruit un jour ou l'autre par les propos du monde de leur conduite, légère ou coupable ? Et l'homme qui ne respecte plus sa mère, que voulez-vous qu'il respecte au monde ? Mais avec le respect de sa mère, tout lui manque, tout s'écroule, il n'y a plus de monde moral. » Dès qu'il n'a plus foi en sa mère, il n'a plus foi en rien. C'est une vie découragée à jamais. Ah, si les femmes pouvaient voir ce qui se passe dans le cœur d'un malheureux fils au moment où il vient à apprendre, à soupçonner que sa mère... Monsieur de Lerne s'arrêta tout à coup et sa voix s'étrangla dans un sanglot. Il fit le geste d'un homme désespéré de ne pouvoir maîtriser son émotion, détourna la tête et couvrit ses yeux de sa main. Jeanne avait entendu parler, comme tout le monde, de la jeunesse très légère de la comtesse de Lerne. Elle comprit. Il y eut une minute de pénible silence. Puis madame de Morescan quitta brusquement son fauteuil, s'avança de deux pas et tendit la main au jeune homme. Il s'était levé. Leurs yeux se rencontrèrent, il serra fortement la main qu'elle lui présentait, la salua et sortit. À la suite de ce brusque départ, madame de Morescan demeura un instant immobile, fit quelques pas incertains dans le salon, puis se laissa tomber sur une causeuse. Elle s'y ensevelit dans une rêverie profonde, soutenant d'une main sa belle tête brune et essuyant de l'autre, par intervalles, les pleurs qui coulaient lentement de ses yeux. Pourquoi pleurait-elle? Dans le trouble où cette scène l'avait laissée, elle ne le savait pas elle-même. Le son du timbre dans le vestibule lui fit tout à coup froncer le sourcil. Quelques secondes après, la porte s'ouvrit et un domestique introduisit monsieur de Montélin. « J'ai su par Morescan que vous restiez chez vous ce soir et je me suis hasardée. »« Oh, c'est aimable. Chauffez-vous donc. » Un coup d'œil avait suffi à monsieur de Montélin pour constater que Jeanne venait de pleurer. Ce n'était pas la première fois de sa vie qu'il surprenait un symptôme de ce genre chez une jeune femme abandonnée de son mari. Et il avait coutume, non sans raison, d'en tirer une augure favorable à ses prétentions personnelles. Il se trouvait précisément que le baron de Morescan, désertant le corps de ballet, venait d'afficher sa liaison avec une écuyère américaine, Diana Gray, dont l'apparition au cirque d'hiver avait été un des événements de la saison. On la voyait depuis quelques jours conduire dans l'allée des acacias une paire de chevaux noirs dont personne n'ignorait la provenance. Monsieur de Montélin eut tout lieu de penser que cette circonstance n'était pas sans quelque rapport secret avec les dispositions mélancoliques où il rencontrait madame de Morescan. Le sobriquet grotesque dont Jacques de Lerne avait affublé monsieur de Montélin a pu jeter sur ce personnage, aux yeux du lecteur, une teinte de ridicule qu'il ne justifiait nullement. Oh, c'était en réalité un séducteur fort sérieux et fort dangereux. Il avait auprès des femmes le prestige singulier des hommes à bonne fortune, et il leur paraissait plus honorable d'être déshonoré par lui que par un autre. Il était bien fait, de haute mine et brave. Sans avoir ce qu'on appelle de l'esprit, il avait, à force d'application et de goût pour son métier, acquis une habileté redoutable à deviner les occasions et à les saisir. Il savait mieux que personne qu'il y a dans la vie des femmes des heures d'énervement et de dépression morale, des heures pour ainsi dire sans défense, dont un homme pénétrant et hardi peut tirer de terribles avantages. C'est ainsi qu'on s'explique d'ailleurs que des femmes distinguées deviennent quelquefois la proie de la plus vulgaire galanterie.